Autour de la maison, enfant, l'auteur était à hauteur des fleurs. Adolescent, l'oiseau lui parlait du bonheur. Adulte, d'un vieux sage, il apprit qu'il symbolisait la liberté. De par la liberté première, donnée de l'unité à la multiplicité, la guerre des égaux avait commencé. La guerre territoriale des points de vue. Mais moi c'est lui et lui c'est moi devrait pouvoir s'écrire entre les lignes quand une volonté invite au partage. La paix s'inscrit en filigrane quand percée est la membrane fixant les limites des égaux allant au tout.